prend la fuite. À chaque fois que pour lui on s'agite, à chaque regard porté sur son corps, il se dit fort. Mais on entend ses viscères au dehors, son ventre au bord d'une mort à la manite. Ami, amour, amant, dryade, oh que tu cours, oh camarade. Nos peurs, chorales, empales, tes jours de corps, glamour, accumalade. S'il se donne l'air du héros qui sait l'info de sa chair, bourgeois c'est qu'il se voit en anonyme. C'est une victime, son ego n'a jamais fait de régime, il anime la fine envie de se plaire. Ami, amour, amant, dryade, oh que tu cours, oh camarade. Nos peurs, chorales, empales, tes jours de corps, glamour, accumalade. Il n'a pas tort de tenir tête sur ce que l'on ignore, de clamer lâchez votre emprise. Il analyse, il prend les mots et il les totalise en guise de valeur de l'effort. Il se renseigne et je crois bien qu'il va peut-être même engager son corps dans la science. Ce serait une chance, un peu comme une deuxième renaissance, un caca en forme de diadème. Ami, amour, amant, dryade, oh que tu cours, oh camarade. Nos peurs, chorales, empales, tes jours, ton corps, glamour et ton cul malade.